encore. Bien sûr. Mets ton micro là. Tu es ok les gros, si tu GTA, gras du beat cousin. C'est ici, capot, un sous DJ ville cousin, t'as pas le mental. Ok mon gros, 77, 91 poteau. Ok, salut toi c'est mon naguère. J'ai besoin de ta chance, de ta science. Tu me salis donc j'appelle le détachant. Je marche à cocher le processus, c'est enclenché les négros, c'est sur haut et les barres tous mettent à cacher. Je manque de vitesse quand j'ai du mal à m'organiser. Je perds la vedette, ça prend un coup de l'air à Morgan. Je fais les choses intelligemment, toujours avec gratuit. Mais toi toi dans le coup gros, si tu me crois stupide. Je garde le mental tandis que tes neurones s'affaiblissent. T'as vu ta tête dans, je comprends pas, tu suis flippé. On m'a dit de me protéger un jour comme toi, j'ai désobéi. À présent j'ai parti en preuve de chemin, ouais des oubliés. C'est la merde, déjà prends à vivre dedans. C'est sans sens, je peux plus lâcher, j'étais là si je te tends. Sur ton listing s'il te plaît, ouais je mets moi sur ta fiche d'attente. Je viens de sortir du pressing pour une fois et même si je la reprends. C'est si poteau, oh, c'est la merde, j'ai pas pour toi. 2006, j'en pas pourquoi, c'est un chiffre rien d'important. La guerre sera en deux parties, pas la fin. Mais ta bougère, le mal est à l'affût. Des mal et fous qui se promènent après s'étendre quand toi tu mets le feu. C'est clair, un tas de connaissances. À côté de ça, des tas de connes sus. Les connes fusent mal à la tête, c'est pas la fête. Un beau merdier qui a merdé. La terre entière finira bombardée. Je crois que j'ai perdu. Je pourrais brailler infiniment, ça changera rien au monde. Tout ce que j'ai au fond de moi, je peux essayer. Mais pas s'il y a destruction et plus. Soyons objectifs, on casse tout et puis ça y est. Je vois d'une vie comme un meda. On a peut-être pas les mêmes idées. Faut cartonner comme GTA ou DPK. Ne me dis pas que y'a pas moyen ou je sais pas quoi. Je lèverai mon joint à ta santé. On va tous y passer. On est des pions, tu sais pas ça. Gras du pute, okay. T'as pas le mental, rime tranchante. La rue s'exprime toujours à l'attaque. Les mains dans le dos comme en escrime. J'étais à gras du beat, big up, dépasser mes dates. Si j'avais du T-Pex, ça serait pour effacer l'état. T'as pas le mental, rime tranchante. La rue s'exprime toujours à l'attaque. Les mains dans le dos comme en escrime. J'étais à gras du beat, big up, dépasser mes dates. Si j'avais du T-Pex, ça serait pour effacer l'état. Je reste dans mon petit coin pour pas valser comme un canard. Je me prends le pas dans les toilettes, m'envoie chez les incapables. Je pense que j'écris, plante les feuilles à l'arme blanche. Fais pas de roulage de pelle à chaque fois que je planche. Le talent, mon crochet, je mets des râteaux à la nullité. Accroché à nos chevilles, la talonnade, c'est pour leurs yeux. Gros, j'ai des principes, qu'une langue et qu'une parole, comme tout le monde. Et moi, je passe pas la serpillière sur des billes. La vérité dans la lunette, pas besoin qu'on me tire les verres du nez. GTA, ma monture, le rap, ma branche, excusez. Moi, si je parle mal, c'est que je rappe comme les chaussons. Cherche pas les tubes, ni qu'on me reconnaisse par une chanson. Vraiment, je me fais plaisir, pépère comme 59. Mais les phases encore plus loin, chaque couplet, on cesse ou pas. La cabine, ça chauffe, j'ai bien peur de l'aider. Une durée, je pousse les rapports, faut crisser ma voix, trop fragile. Si je lâche une arme, c'est pour inonder ces gros nuls de l'état et des atteindre par une idée saugrenue et pour que mes paroles s'étendent. Paris, Paris, c'était une pute qui gesticule avec le cul de Paris Hilton. J'ai trop frotté la vie, mise à la main. Prêté ou 100 francs, je vis sans frousse, mais de souffrance. Bienvenue dans le patrimoine, c'est franc. Je vois un méchant naufrage. J'ai le mental lequel, vu que la vie me fait ni chaud ni froid. On est joue frère, heureusement qu'il me reste le désir trap. À force de me jeter à l'eau, je vois que mon corps déshydrate. Je fume trop, j'ai les poumons carbonisés. À ça, tu mélanges la vie. À 24 ans, j'ai le corps bien usé. Je veux cuisiner ma femme aux petits oignons, mais je manque d'heure sel. Ici, beaucoup de mecs dorment seuls. Devant les fils de Marc Dorcel, on dit que je suis un peu timbré. Et dans une boîte aux lèvres. J'ai qu'à pas me tourner, alors les gars de l'état, okay. T'as pas le mental, rime tranchante, la rue s'exprime toujours à l'attaque, les mains dans le dos comme en escrime. J'étais à gras du beat, big up, dépasser mes dates. Si j'avais du T-Pex, ça serait pour effacer l'état. T'as pas le mental, rime tranchante, la rue s'exprime toujours à l'attaque, les mains dans le dos comme en escrime. J'étais à gras du beat, big up, dépasser mes dates. Si j'avais du T-Pex, ça serait pour effacer l'état.